Les inattendus de la science. Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On commence avec ces chercheurs qui ont trouvé un moyen de réactiver des souvenirs. Avec une drôle de prothèse, une prothèse à neurones, tout simplement pourrait-on dire. Les chercheurs du centre médical de l'université Wake Forest Baptist aux États-Unis sont à l'origine d'une prouesse. Ils ont fabriqué une prothèse équipée de capteurs directement implantés dans le cerveau. Cette prothèse est composée de microélectrodes qui reproduisent l'activité cérébrale et qui peuvent stimuler certains neurones. Ce dispositif a été testé sur 17 volontaires. Leur mémoire s'est accrue de 35 à 37%. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme sont concernés. L'étude a même permis aux chercheurs de prendre connaissance de l'activité d'une quarantaine de neurones qui agissent sur l'enregistrement d'un souvenir. Mais si on ne peut plus rien oublier, ça donne le vertige. Et on va peut-être oublier, donc bientôt les lunettes, les lentilles aussi. Voici des gouttes qui corrigent la vue. Elles sont dans un laboratoire et on ne pourra plus dire « je n'y vois goutte ». L'ophtalmo est un type qui vous fout des gouttes piquantes dans chaque œil. Et là, il te demande qu'est-ce que vous pouvez lire. Des Israéliens ont créé des gouttes oculaires révolutionnaires qui pourraient améliorer la vue. Ces gouttes oculaires peuvent réparer les cornées et améliorer les défauts de la vision. Des tests ont été effectués pendant 2 ans sur des cochons avec succès, bien que l'on n'ait pas pu leur faire subir un test de lecture. Ces gouttes, qui améliorent la vision, utilisent les nanotechnologies. Elles pourraient même remplacer les lentilles multifocales qui permettent de mieux voir à la fois de près et de loin. Des essais cliniques sur des humains doivent être effectués dans l'année. La suite des inattendus de la science, Fabienne Chauvière, avec une question inattendue. Quel goût a le pain après un voyage dans la stratosphère? C'est une question très importante, Eric. Voici la réponse à cette drôle de question. Vous l'aurez compris, je suis un youtubeur. C'est un youtubeur britannique qui tente toutes sortes d'expériences, plus ou moins loufoques, qui a voulu faire ce test. Il a envoyé un morceau de pain à l'ail à 35 km d'altitude dans la stratosphère pour savoir quel goût il aurait une fois revenu sur Terre. Pour cela, il a fait appel à une entreprise spécialisée dans les ballons de haute altitude. Il a placé le bout de pain dans une boîte qui est restée ouverte pendant tout le vol. Cet expérimentateur un peu fou a ensuite récupéré le colis et a goûté le pain en le comparant avec un autre morceau resté au sol. Verdict, le pain volant était congelé au milieu et caoutchouteux. Mais était-ce bien utile d'organiser tout ce bazar pour faire cette découverte? Qui sait, qui sait, qui sait. On va parler des fleurs à présent. Elles c'est aiment... plus joli. C'est très joli les fleurs, c'est plus joli effectivement. Elles aiment la pluie et le beau temps. Baraton nous le redit, Alain Baraton, chaque week-end, c'est une évidence. Mais d'après les chercheurs, les fleurs font la pluie et le beau temps. Ils ont découvert que les fleurs favorisent, Eric, la formation des nuages. À cause d'une goutte d'eau commence l'histoire, mais qui peut deviner comment elle finira? Une chercheuse américaine s'est intéressée aux pollens, les mêmes qui sont à l'origine des allergies. Elle a découvert que ces grains peuvent avoir une influence sur le climat, comme le font les aérosols. La chercheuse a pris des pollens, les a imbibés d'eau, puis dispersés sous forme de spray avec un atomiseur dans une pièce spéciale. Elle a découvert que quand le pollen devient humide, il se rompt très facilement et produit des particules plus petites capables d'activer la formation d'un nuage. Quand les arbres émettent du pollen, ils pourraient favoriser la formation de la pluie qui les nourrit en retour. C'est un joli cercle vertueux. Voilà, les inattendus de la science. Merci Fabienne Chauvière. Et merci également à Simone Depoux à la réalisation de cette chronique.